Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Gaymozo pour l'émission La Parole est à vous, avec, bah, comme c'est traditionnel maintenant, pour le troisième mardi du mois, donc un magazine santé avec comme partenaire Ademat H, association qui défend l'hôpital d'Ormiremont. Hein, et puis la présence, bien sûr, de son vice-président, le docteur Jean Tisserand. Hein. Bonsoir à tous. Bonsoir, Michel. Voilà. Bonsoir, Jean. Merci de ta présence, d'être fidèle pour l'émission à parole. C'est un plaisir. Comme invité, alors, parce qu'on va parler d'un sujet, d'un vaste sujet, qui est celui de la souffrance au travail, de la souffrance, on pourrait dire, morale aussi dans la société par rapport aux pressions qui sont exercées sur les individus, avec Catherine Schmitt. Schmitt. Ah oui, excuse-moi. Décorché ton nom. Alors, moi, je représente l'association Ralentir pour vivre, qui est basée à Lévoir, ici dans les Vosges, et qui fait de la prévention, et de la sensibilisation et de l'information sur l'épuisement des ressources humaines, appelé plus communément le burn-out, et y compris la souffrance au travail. Donc nous sommes une association qui a été créée en 2018 avec des médecins, entre autres une psychiatre qui a fait une analyse complète de ce sujet. Nous avons un site qui est ralentirpourvivre.org sur lequel il y a la conférence en ligne, la brochure, et d'autres choses, on a des témoignages. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que par cette sensibilisation et cette information, on va dire, de fait, on essaye de faire un petit peu de prévention. Voilà. Alors, explique-nous un peu ton parcours, parce que c'est original, je trouve. Oui. Enfin, c'est original. C'est nécessaire, mais c'est aussi original, parce qu'il y a très peu de personnes qui s'intéresse à ce sujet, alors que c'est quand même un sujet extrêmement, à mon avis, extrêmement important. Oui. Disons, ce qui s'est passé, c'est que moi, il y a 17 ans, je travaillais dans une holding, et puis on me demandait de travailler, on va dire, 24 heures sur 24. J'ai même le sentiment de dire 48 heures sur 24. Allez, hein, soyons fous. Et donc, effectivement, après 7 ans de ce régime, j'ai complètement, pété un plomb, quoi, carrément. Fait un burn-out assez fantastique. Et de ce fait, j'ai décidé, parce que déjà en 2004, quand j'ai tapé sur Internet, parce que le médecin qui m'a dit « Vous êtes en burn-out », je l'ai regardé d'un air de dire « C'est quoi cette bête ?» Parce qu'en 2004, c'était pas connu. On en parlait déjà. Oui, mais alors, moi, je ne peux pas te dire que je le connaissais, là, vraiment pas. Et quand j'ai tapé ça... Tu ne connaissais pas, mais tu le vivais. Voilà. Et quand j'ai tapé ça sur Internet, j'ai vu « maladie des gens qui ne savent pas dire non ». Et là, j'ai piqué une colère que j'ai calmée depuis le temps, mais qui m'a poussée à faire de l'information sur ce sujet. Parce que dire ça à un individu que tu souffres d'épuisement total... émotionnel, physique, psychique et autres, uniquement parce que tu ne sais pas dire non, c'est assez hypocrite. Parce que le jour où j'ai dit non, eh bien, on m'a ouvert la porte et on m'a dit au suivant. Hein, clairement, au travail, c'est ce qui se passe. Donc voilà, donc ça m'a poussé à créer cette association et m'occuper de faire de la formation à ce sujet. Voilà, merci Michel. Voilà, cette présentation étant en fait. Alors finalement, c'est en quelque sorte une formation sur le tas, par l'expérience, par une expérience douloureuse. Oui. Et puis d'un autre côté, la psychiatre qui a décidé de travailler avec nous dans l'association à partir de 2018, elle met en parallèle, je dirais, cette façon de faire... avec d'autres, elle parle de violence. Elle dit que c'est un phénomène qui est très violent. En fait, c'est une violence qu'on retourne contre l'individu. Une violence psychique. Voilà. Une violence psychique. Et comme elle travaillait sur les violences sexuelles et les violences et les abus et tous ces domaines-là, elle a trouvé un parallèle extrêmement flagrant pour elle. Et donc, on a travaillé sur le sujet de ce fait. Et c'est vrai que là, ça a changé beaucoup. Parce que moi, je suis simplement, je dirais, une personne lambda. Il se trouve que j'ai une licence, un master en formation d'adulte, ça c'est une chose, mais médicalement, je n'ai pas de connaissances, clairement. Par contre, avec elle, tout ce que j'avais vécu et ressenti et passé comme épreuve, ça a été, on va dire, clarifié avec des mots. Et ça a été, pour moi, clarifié au point de vue médical. J'ai compris ce qui m'est arrivé, voilà. Et maintenant, j'ai envie de le transmettre à d'autres, comprendre ce qui nous arrive. Et puis soulager des souffrances aussi de personnes que... Oui, parce que ce qui est dramatique, c'est... Qui recourent à votre association. Oui, et ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, dans ce phénomène d'épuisement qui... des ressources humaines qui s'appellent le burn-out, on a l'impression qu'on met la faute sur l'individu. Et en fait, nous, on dit que c'est une maladie de la société, donc que ce n'est pas ça, qu'il faut regarder plutôt dans la compétition, la concurrence, l'urgence, le culte de l'urgence, la manie d'évaluation et autres, et que c'est important que l'individu ne soit pas coupable d'être victime. Pour nous, c'est un des messages essentiels de l'association. Dans une société où on prône la réussite individuelle, au détriment d'ailleurs de l'épanouissement et de la réussite collective. C'est ça. Où se situe le virage? C'est les années 80, c'est vraiment ce virage où on a demandé de plus en plus à l'individu, de plus en plus performant, de plus en plus disponible pour l'entreprise, pour la structure dans laquelle il travaillait. Moi, je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre. Je dirais simplement que ça mijotait au coin du feu et que c'est sorti dans les années 2000 avec les systèmes de ce qu'on appelle process, c'est-à-dire la procédure. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, toute entreprise est basée sur une procédure. C'est-à-dire que tout est écrit dans la tâche de l'individu et il devient un robot quelque part. On le prend comme une machine. Et on peut changer d'employé du jour au lendemain. On lui redonne la fiche, voilà, hop, tu presses à droite, tu fais à gauche, tu fais... Enfin, je caricature, mais c'est cette machination de l'individu qui, à mon avis, le tournant était dans les années 2000. Oui, avant, on pouvait... avoir la caricature de celui qui travaille à la chaîne, celui qui travaille à la chaîne, hein, qui évidemment se robotisait littéralement dans le process de fabrication, dans les gestes au quotidien, répétitifs au quotidien. Mais là, on a l'impression qu'effectivement, au point de vue mental, on reproduit un certain taylorisme. Oui, oui. On pourrait l'appeler comme ça, Jean. Oui, tout à fait. Un certain taylorisme, hein, et que l'individu a beaucoup de difficultés de maîtriser ce qu'il fait, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il doit être de plus en plus performant. Hein, on lui impose des critères, hein, une certaine normalisation. C'est ça. Qui va aussi normaliser en quelque sorte sa vie sociale. C'est ça. Sa vie de tous les jours et sa vie sociale. Mm-hmm. Oui. Ah oui. Est-ce que tu as ressenti cette impression, genre, dans ton métier qui était particulièrement une charge mentale importante? Oui, non. Déjà, dans les études, hein, comme tu disais tout à l'heure, dans les études médicales, il y a un volume énorme de travail à fournir et on se contraint et... Et on s'astreint à ce volume de travail pour pouvoir passer la première année surtout, puis ensuite les concours. C'est très élitiste, finalement. C'est extrêmement, oui, c'est très élitiste et ça prend un temps énorme et c'est facteur de stress, surtout en début d'études, parce que soit on réussit, soit on réussit pas et c'est la sortie, quoi, en gros. Et c'est un facteur de stress au travail. Il y a intellectuel, hein, purement, mais je connais des gens qui se sont suicidés à la suite de cette première année de médecine. Quelqu'un de Remiremont, d'ailleurs, pas dire qui c'est, mais c'est une affaire très triste, parce que le gars a même réussi ses examens, mais il était persuadé d'avoir raté, il s'est suicidé. Oui. C'est terrible, terrible. Ensuite, j'étais médecin hospitalier, on a une surcharge de travail, une surcharge d'horaire de travail, c'est sûr, on travaille le jour, on travaille la nuit, mais c'est un métier captivant et on arrive... Moi, j'ai réussi un petit peu à ne pas faire de burn-out sur le sujet, parce que ce travail était gratifiant, humainement gratifiant. Hein, j'avais un travail de médecin obstétricien, d'accoucheur, un travail manuel, mais un travail de contact humain qui était extrêmement gratifiant et... Je pense que c'est ça qui m'a maintenu. Je pense qu'un même travail qui n'aurait pas été intéressant m'aurait certainement démoli. Mais il y a des médecins, effectivement, qui sont en burn-out. Hein. C'est une profession qui est franchement exposée. Hein. Surtout l'urgence. Médecin et profession de santé, en général. Hein. Avant que je parte en retraite, une sage-femme... à la maternité de Remiremont, avait un week-end sur 5 ou sur 6 complet. C'est-à-dire qu'elle travaillait toujours soit le samedi de la journée, soit le samedi de la nuit, soit le dimanche. Elle n'avait jamais un week-end complet, sauf un week-end sur 5 ou sur 6. Donc, c'est quand même énorme. Avec des personnels extrêmement réduits, une surcharge de travail importante... Je voudrais parler ici d'un événement tout à fait récent qui a défrayé la chronique, c'est la fermeture de la maternité de Nevers cette semaine. C'est un chef-lieu de département, c'est la seule maternité du département. Hein, De la Nièvre, oui. Donc un gros service, une grosse activité. Si je ne me trompe pas, ça fait partie de Grand Est. Bourgogne-Franche-Comté. Il faut au minimum 5 sages-femmes par poste de travail, par jour et par nuit, pour assurer ce service-là. Parce qu'il y a de la chirurgie gynécologique, il y a les accouchements, il y a les accouchés, il faut s'occuper des nouveau-nés, etc. C'est quand même assez lourd, quoi. Et le management a finalement dit que 4 devaient suffire, puis que 3, ça irait bien, et elles sont terminées à 2. Hein, donc, elle racontait, ces sages-femmes, qu'elle s'occupait d'une patiente en disant « Écoutez, je voudrais vous réexaminer pour savoir si le travail progresse, si la dilatation du col progresse dans 10 minutes, et puis se retrouver à pouvoir l'avoir seulement 1h30 après. » Donc, il y a une négligence dans le travail imposée par le rythme et par la quantité de personnel médical, quoi. Donc un sentiment de dévalorisation, de ne pas bien faire son boulot, et puis effectivement un problème de sécurité, quoi. Donc elles se sont, à deux, elles se sont toutes mises en arrêt de travail parce qu'elles étaient complètement débordées, en burn-out, voilà. Et on en est là. Alors on est en train de chercher des remplaçants, on est en train de chercher des poules de sages-femmes dans d'autres maternités pour venir aider, mais c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre. Hein. Là, c'est pas une question de numerus clausus. Non, c'est une question de management. Oui. Pour faire des économies, on va prendre moins de personnel, moins de sages-femmes, moins de peut-être d'aides-soignants, je ne sais pas, mais et on est arrivé à une... Vous vous rendez compte, à deux, pour occuper un poste temps plein sur l'année dans un service, il faut 7 personnes, hein, compte tenu des vacances, des congés, des week-ends, des fériés, etc. Et là, c'était à deux. Donc, c'est de l'esclavage moderne. Mais on se demande quelle est la personne qui a raisonné et pensé à mettre en place ce système-là. C'est une incompétence complète et une méconnaissance complète des conditions de travail, des conditions de sécurité et de l'humanité. S'il y a un moment où une femme a besoin de quelqu'un quand elle accouche, c'est bien quand elle accouche, je veux dire. Elle a besoin de quelqu'un, ne serait-ce que quelqu'un qui lui tienne la main, qui soit présent, qui s'occupe d'elle. Parce que c'est dans l'inconscient collectif, l'accouchement, la naissance, c'est quand même rester un facteur de risque. Les femmes jouaient leur vie autrefois. Et il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en couche. Et c'est une acquisition de la médecine moderne et de l'obstétrique moderne que l'accouchement se fait dans une sécurité relative et presque absolue actuellement. Mais dans l'imaginaire collectif, ça n'est pas encore entré complètement. Et l'accouchement, le travail est facteur de stress et de je dirais, il y a à la fois l'idée de vie et l'idée de mort. C'est quand même, c'est pas totalement intellectuellement acquis, je dirais. Hein. Et les femmes disent des choses très profondes là-dessus pendant qu'elles accouchent. Hein. Elles sont bouleversées. Une question directe, Jean. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on va hâter un accouchement par des procédés c'est pas justifié. C'est pas justifié. Si un accouchement est physiologique, s'il se fait normalement, s'il se déroule normalement, si le bébé, le fœtus qui n'est pas encore né, supporte bien les contractions, l'accouchement, etc., il n'y a pas de raison de hâter particulièrement. Hein. On doit hâter s'il y a des... pour des raisons médicales, quelquefois. Si le fœtus supporte mal le travail, il faut peut-être le soustraire rapidement à un environnement qui serait défavorable. Mais en dehors de ça, non. Non, en dehors de ça, non. Et surtout qu'actuellement, il y a ce que j'appelle des femmes victimes, pas de sévices, mais de services. C'est-à-dire que pour avoir une péridurale, on est quelquefois amené à déclencher l'accouchement parce qu'il n'y aura pas de péridurale la nuit, par exemple, ou des choses comme ça. Ah voilà. Oui, c'est une question d'organisation des services. Et puis du personnel. Et du manque de personnel. Mais on retombe sur le management du personnel. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que j'appelle des femmes victimes de services. C'est mon expérience un petit peu de ce qui se passe dans les hôpitaux. Je connais ce qui se passe en obstétrique, mais je pense que dans tous les services, c'est la même chose. Moi, je faisais de la chirurgie gynécologique. J'ai eu, par exemple, des abcès gynécologiques, des infections péritonéales à traiter, à opérer, qui nécessitaient des drainages et des pansements à refaire deux fois par jour. Hein. Et ben, on me disait, ben non, on ne peut pas. Ce sera une fois par jour ou c'est rien du tout. Voilà, circuler. Une infirmière m'a répondu, quoi. J'étais un petit peu estomaqué, quoi. Le rendement au détriment des soins. Cette infirmière m'avait dit ça parce qu'elle était seule pour deux étages. Pour deux étages. Elle m'a dit que... Bon, elle me l'a dit un peu brutalement. J'étais un petit peu estomaqué sur le coup, mais c'est pas le soin idéal. Le soin idéal aurait été de refaire le pansement, de laver la plaie deux fois par jour, de retirer les drains deux fois par jour, de faire des injections de produits désinfectants dans la plaie, dans le drainage, etc. Quoi, c'est écrit dans les livres, c'est comme ça qu'on doit faire et c'est comme ça que ça guérit. Et le faire qu'une seule fois par jour, dans les premiers jours, c'est aléatoire. Ça peut bien faire ou ça peut ne pas faire. Hein. Dans la procédure managériale, hein, qui est à peu près... moi, quand j'ai parlé de l'an 2000, à l'époque, je travaillais dans une holding américaine et ça venait des États-Unis. Donc, c'est une façon... Alors, je ne sais plus quel est le... Je ne sais plus le nom. J'essayais de me rappeler le nom de la personne qui a lancé ça aux États-Unis et qui l'a envoyé en Europe dans les années 2000. Parce que moi, quand je travaillais dans cette holding, on était les tout premiers et on n'était pas du tout dans la santé ni dans l'éducation. Donc, on m'a demandé de me spécialiser là-dedans. Donc, j'ai bien compris qu'effectivement... Quand on parle de pourquoi est-ce qu'il n'y a que des pansements qu'une fois par jour et autres, il faut comprendre que dans la procédure managériale, ce gars avait lancé l'idée qu'on ne doit pas garder de lien entre les décideurs pour qu'il n'y ait pas d'affectif. Parce que s'il y a un affectif entre un décideur et un autre, on va prendre une décision, je m'excuse de le dire, mais humaine. Tandis que l'histoire de la procédure managériale, et c'est ce qu'on connaît depuis les années 2000, c'est qu'il n'y a plus de lien entre les décideurs, ce qui fait qu'il n'y a plus de décision affective. Enfin, je le précise parce que c'est dur à entendre. Mais il faut savoir que maintenant, on est en train de baser notre société sur ce genre d'organisation. Et donc, comme je l'ai connu dans l'an 2000... moi j'ai lancé un projet pilote pour l'entreprise mais qui était des fabricants de cigarettes, ce qui n'avait rien à voir, mais j'ai réalisé que 5 ans après c'était arrivé dans le social et 8 ans après c'était arrivé dans la santé. Donc ils ont mis ce style de management qui coupe le décisionnaire, ce qui fait que effectivement un gars qui est au bout de la chaîne va décider X qu'il n'y a qu'un pansement par jour, mais lui, on va lui mettre une telle pression pour qu'il trouve économiquement à réduire le budget, je donne un exemple caricatural, que lui va dire, oui, il n'est pas médecin, il va dire, oui, mais une fois par jour, c'est correct, allez, hop, c'est bon, une fois par jour, toc, toc, toc, toc. Et derrière ça, il y a des cabinets conseils. C'est ça, voilà. Et donc, on enlève l'humanité en enlevant les... En fait, le principe de la procédure managériale, c'est enlever les liens entre les gens qui décident. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire passer. Moi, j'explique ça parce que arriver à faire passer des lois pareilles, enfin, j'entends, deux fois par jour, un pansement, si un médecin dit c'est nécessaire, c'est incroyable qu'on arrive à faire passer qu'une fois par... Enfin, j'entends, il y a des choses comme ça. Donc, je voulais juste mettre de l'eau au moulin. Alors, on a eu... les médecins s'en sont sortis en écrivant sur les dossiers. En matière de responsabilité, si ça tourne mal... si on écrit sur le dossier, je prescris et j'exige un pansement deux fois par jour. Vous écrivez en noir sur blanc sur le dossier. Refus pour des raisons managériales. Ça, on met en cause la chaîne du management. Et ça, ils n'aiment pas du tout parce qu'en responsabilité médicale, c'est extrêmement, je dirais, coûteux financièrement. Et on les blesse par là où ils pêchent. Mais c'est aussi en matière de responsabilité et de réputation. C'est extrêmement favorable. C'est là dans ce contexte qu'on a inventé ressources humaines. Ça m'a toujours fait frémir, ce mot ressources humaines. Ça voulait dire que l'individu, c'est une ressource comme une autre, comme les machines, comme la finance, etc. Et ça venait effectivement... dans la psychologie managériale, j'arrive à le dire, à traiter l'individu comme une ressource. Comme une simple ressource et non pas comme un être humain. Comme une machine. Comme une machine. Voilà. C'est vrai qu'on va développer un peu plus, on va peut-être s'accorder une pause musicale, si vous voulez bien. I'm Eh bien voilà, je vous rappelle qu'on est ensemble dans l'émission La Parole est à vous, le magazine santé, avec mes invités. Alors, je ne vais plus écorcher ton nom, Spitz, c'est Catherine juste. Spitz. Il faudra que tu me l'écrives, comme ça sera plus facile. Donc, notre partenaire habituel, bien sûr, d'ADEMAT, Jean Tisserand. Et donc, c'est un magazine santé. Là, on aborde la souffrance au travail, le burn-out, hein, c'est un mot américain, oui. Hein, c'est-à-dire la surcharge de travail. Et puis surtout, on a développé, je crois, le sujet quand même, comment on en est arrivé là, et les techniques de management modernes, hein, venues en particulier des États-Unis, avec force cabinet conseil aussi, hein, qui véritablement pressurait l'individu pour lui jusqu'à lui faire dépasser ses limites. Hein, en gros, c'est ça. Alors Jean, peux nous parler un petit peu des signes cliniques. On parle souvent de syndrome d'épuisement professionnel. Une définition de l'OMS, un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle, d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Plus simplement, c'est des troubles psychologiques résultant d'un stress chronique dans le cadre du travail. Hein, voilà, c'est un peu la définition. Trois familles de symptômes, des symptômes physiques. Le premier, c'est la fatigue. C'est une fatigue permanente, intense, un épuisement, et difficulté de se reposer, de récupérer. Hein, c'est des signes physiques non spécifiques, mal de dos, des migraines, les insomnies sont très fréquentes. Insomnies, les gens s'endorment encore relativement bien, puis ils se réveillent à 2h du matin et ils ne peuvent plus se rendormir. Hein, ça, c'est un facteur d'anxiété, ça traduit l'anxiété sous-jacente. Hein. Quelquefois des maux de ventre, des infections fréquentes. Hein, des infections fréquentes qui sont liées effectivement à des problèmes hormonaux. Ça affaiblit le système immunitaire. Oui, par le cortisol et l'adrénaline justement. Le cortisol. Le cortisol est une hormone. Le stress entraîne une décharge de cortisol. Au départ, à chaque stress, décharge de cortisol. Et puis comme le stress est chronique, le cortisol finit par s'épuiser. Et ce cortisol, l'adrénaline sont des réponses de l'organisme humain à des facteurs d'urgence, hein, une urgence, un stress, etc., et aux infections. Et ces gens-là font plus d'infections. Quel est le rôle des glandes surrénales dans ce processus ? Elles fabriquent l'adrénaline et le cortisol. Hein, voilà. C'est une glande endocrine qui fabrique ces deux hormones. Hein. Ça, c'était un petit peu les symptômes physiques. Des symptômes émotionnels. Un manque d'enthousiasme au travail, une anxiété, inquiétude. Le sujet est inquiet devant ses capacités, ses performances au travail. Il se pose des questions. Sentiment d'être dépassé par les événements, isolement émotionnel, détachement vis-à-vis de l'entourage, irritabilité accrue, trouble de l'humeur, cynisme inhabituel au travail. Tout ça, ça a des conséquences sur les relations familiales et les relations amicales. Au départ, c'est uniquement au travail, mais ça s'étend sur la sphère amicale, la sphère, je dirais, civile, en dehors du travail, quoi. Troubles du comportement alimentaire, alcool, drogue, médicaments. Ça se voit souvent. Ça, c'est syndrome intellectuel, troisième volet, c'est troubles de la concentration, des oublis, le sujet est moins efficace. Difficulté à prendre des décisions, performance réduite au travail. Et puis, comme la personne victime de ce burn-out, face à la fatigue et au sentiment d'échec et aux difficultés de concentration, eh ben, il va travailler encore davantage, il va travailler encore plus pour essayer de remplir ses objectifs et pour mettre fin à cette dévalorisation. Ah, ces fameux objectifs qu'on impose à tout le monde aujourd'hui. Mmh. Qu'il s'impose ou qu'on lui impose le plus souvent. Hein. Et c'est une fuite en avant. Hein. Il espère retrouver une satisfaction, et, confiance en lui, mais c'est une fuite en avant, c'est un cercle vicieux. Ça aggrave les choses. Mm. Voilà. Oui, parce que moi, je rajouterais juste que... Alors, je suis tout à fait d'accord avec tous ces symptômes qui sont d'ailleurs aussi répertoriés sur notre site. Moi, je rajouterais que la personne se sent piégée. Ça, c'est un des symptômes premiers. Elle se sent piégée. Et qu'un matin, elle ne se lève pas. Nous, on fait des témoignages de gens qui en sont victimes. Un matin, elle ne se lève plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de jus. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à... Et la chose aussi qui est importante de préciser, c'est que l'irritabilité est une chose, l'agressivité est une chose, mais qu'il y a aussi la violence des gens qui la retournent contre eux-mêmes. Oui. On parle du burn-out des agriculteurs. Nous, on a présenté la relance bio où on a fait un sketch, où j'ai fait une conférence aussi. Il faut savoir qu'il y a un agriculteur par jour qui se donne la mort. C'est quand même la violence retournée contre soi. Je te donne c'est aussi l'angoisse du lendemain, quoi. Non, c'est une question hormonale. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un peu comme les gens qui se suicident. Hein. C'est un dysfonctionnement. Enfin, je ne sais pas si médicalement on peut rajouter quelque chose là-dessus, mais il y a un dysfonctionnement interne qui mène à retourner la violence contre soi. C'est pas très psychologique, ça. C'est plutôt... Enfin, je ne sais pas. Et dans les Vosges, on est malheureusement... Oui. Malheureusement, un département où c'est le suicide est fréquent. C'est un tableau différent du syndrome de la dépression. Puisque la dépression touche un petit peu toutes les différentes sphères de la vie, tandis que là, au départ, ça touche uniquement la sphère professionnelle, avant d'éteindre sur le reste. Et c'est pour ça que c'est important de s'en préoccuper très tôt, pour pouvoir prendre des mesures rapidement efficaces et ne pas éviter les conséquences sur les relations familiales, les relations amicales, les relations autres. Parce que ça peut se transformer en dépression ensuite, hein, ou en suicide, ou en acte grave, quoi. Hein. Quelle aide vous pouvez apporter au niveau associatif à ces personnes? Alors, nous, on apporte une aide quant à... Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire parler les gens, parce qu'ils ont honte souvent. Hein. Donc, de sortir... Nous, on a Ayala Pines, qui avait écrit un livre en 84, parle d'un certain déni. Et l'un des premier problème... Parce que les gens ont peur d'exposer leur faiblesse, c'est qu'ils sont dans le déni. Je donne un exemple. Quelqu'un est agité, on le voit très bien, on voit bien qu'il ne gère plus, on voit bien qu'il est noyé et tout. On lui dit, mais tu sais, prends peut-être 2 jours de congé. Il va vous répondre, non, tout va bien. Donc, c'est déjà le sortir du déni. Ça, c'est une première étape. Après, une fois qu'on sort du déni, prendre conscience qu'il y a des choses où on peut changer quelque chose et des choses où on ne peut rien changer. Hein, donc il va falloir monnayer avec ça, et puis ensuite les thérapies relaxantes pour couper le stress chronique, pour qu'il devienne ponctuel, ce que l'être humain est totalement capable d'avoir. Et je pense que le syndrome de burn-out nécessite un arrêt de travail. Voilà, hein, c'est une des premières choses de permettre au sujet de se reposer, de couper avec ce stress lié au travail et de retrouver un équilibre peut-être psychologique et hormonal, justement, dans le calme. Et c'est indispensable. On ne traite pas seul, déjà, un burn-out. Il faut de l'aide, hein, déjà, pour ce problème de déni. Et il faut se faire aider. Voilà. À ton avis, Jean, est-ce que les médecins sont préparés, justement, à pouvoir aider leurs patients? Je pense qu'un médecin traitant peut commencer à faire le diagnostic, à voir un petit peu de quoi il s'agit, mais je pense qu'après, il faut quand même une consultation spécialisée auprès de psychologues, de psychiatres ou de gens spécialistes des thérapies comportementales, relaxation, etc. Il faut traiter le stress et je pense que le médecin traitant généraliste n'a sûrement pas le temps et l'écoute suffisante pour prendre en charge régulièrement et de manière suffisamment longue ces personnes qui sont vraiment stressées. Quoi. Ton avis, Catherine? Moi, je suis tout à fait d'accord. Là, je suis 5 sur 5. Un arrêt de travail s'impose, une prise de recul, oui, de la prise en charge, de l'aide, du soutien de personnes, techniquement, je dirais, aptes à donner ce soutien, c'est-à-dire des médecins spécialisés. Oui. Même si c'est au départ un généraliste qui va mettre le premier arrêt. Oui, on est d'accord. Et c'est quand même quelque chose de fréquent. Parce qu'en France, 3 millions de personnes sont exposées. C'est ça. Hein? Et une personne sur 4 a fait ou fera ce syndrome. Et dans, non, 3 millions, alors les 3 millions, c'est des cas graves, si je peux préciser, voilà. Des cas graves. Par contre, sont exposés, on en arrive à plus de 40% de la population, certainement. Ce qui est quand même assez énorme. Mais qui déclenche des cas graves, on est à 3 millions et des poussières. Et je crois même pour une société, je dirais, industrielle, du travail, si on se place sur le plan purement économique, c'est un sacrifice complètement fou, même si on veut se placer sur le plan purement économique, rentabilité, chose que je ne fais pas. Hein. Je veux voir le côté humain de la chose, le côté souffrance, mais même sur le plan économique, c'est une erreur d'aboutir à des ménagements qui sont responsables de ce stress chronique au travail. Voilà. Hein, C'était aussi un moyen de trier le personnel pour préparer des charrettes de licenciement. Oui, mais d'un autre côté, je rejoins. Le management, il allait jusque-là. Je rejoins ce qu'on vient d'entendre là, parce que c'est un mauvais calcul. Ah ben bien sûr. C'est un calcul à court terme, mais à long terme, c'est un mauvais calcul. C'est un gâchis. C'est vraiment. Et puis, on est en train d'emmener nos enfants là-dedans. Parce qu'on est en train de mettre la même pression sur les enfants à l'école. Et on se rend compte que des cas d'épuisement viennent déjà chez les jeunes. Et suicides y compris. Oui. Donc ça, il faut le prendre en compte. Parce que c'est notre génération future qui est impactée actuellement. Alors, il y a quelques règles quand même pour essayer d'éviter de tomber dans ce syndrome. Il faut savoir démarrer et terminer le travail à des horaires réguliers, raisonnables. Quand on commence à être dépassé et stressé par le travail, ne sait pas essayer de vouloir travailler plus pour remplir les fameux objectifs. Il faut savoir j'ai un travail et j'ai une vie personnelle, familiale, de loisirs, etc. C'est un problème d'équilibre de vie. Faire des pauses régulières pendant la journée. On ne travaille pas 10 heures de suite de manière efficace et continue. On n'est pas efficace. Il faut savoir faire des pauses, il faut savoir couper un petit peu, penser à autre chose, laisser de temps en temps un petit peu le travail. Se déconnecter tous les jours du téléphone, de l'ordinateur, des mails, des réseaux sociaux, en rapport avec le travail. Et surtout le soir avant d'aller se coucher. Oui, surtout. Prendre des vacances, oui. Se couper du travail le soir, le week-end. On ne répond plus au portable le week-end pour le boulot. Hein, on n'est pas de garde le week-end pour son boulot. Il faut mettre le bouton sur silence. Alors que dire des personnes qui cumulent à la fois une activité professionnelle intense et puis qui le week-end va se débrouiller pour une association ou autre. Il faut savoir refuser des charges de travail exorbitantes, irréalistes, démentes. Quelquefois, on vous impose des charges de travail qui ne sont pas possibles. Il faudrait 48 heures, des journées de 48 heures pour le faire. Donc, il faut savoir dire... Est-ce qu'il n'arrive pas à un moment donné un sentiment de culpabilité aussi? Voilà. Oui, ben c'est... On cultive ça. Oui, maintenant, ce que je dirais, c'est qu'à partir du moment où on demande de l'aide, moi, je connais beaucoup de cas où on prend en considération. Parce que c'est vrai qu'une fois que quelqu'un a eu des syndromes de burn-out, c'est mieux qu'il n'aille pas retravailler dans les mêmes circonstances. Parce qu'il y a le côté post-traumatique qui fait que... Moi, je dirais que l'épuisement à ce niveau-là, c'est un traumatisme. C'est pas une maladie. C'est un traumatisme. Bien sûr. Parce que la surcharge d'adrénaline et de cortisol, ça crée la même chose qu'un traumatisme. Enfin, au point de vue médical, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais ça crée un choc. Oui, tout à fait. Il y a un traumatisme après ce choc, c'est sûr. Et puis, s'il y a une crainte pour la stabilité de l'emploi, on peut de toute façon travailler, on ne peut pas de toute façon travailler dans de bonnes conditions sans une bonne santé mentale. Hein, c'est pas la peine de forcer. Le stress est là, le travail devient inefficace, il devient une cause de stress, il y a un cercle vicieux. Il faut savoir à un moment couper, faire des pauses, vie familiale, vie amicale, vie de loisirs, week-end, vacances, il faut savoir. C'est l'éloge du temps libre, un petit peu, je crois. Que c'est... J'ai une interrogation par rapport à ça, et je voudrais bien que m'apporter des éclaircissements, si vous le pouvez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement... Enfin, c'est une impression, mais n'est-ce qu'une impression que finalement on est réduit le nombre de personnes, souvent, pour travailler, ce qui a provoqué forcément le chômage aussi, forcément. On a épuisé les ressources humaines, que on pourrait dire, en distribuant une charge de travail sur un plus petit nombre d'individus. Oui. Oui. Hein, aussi, ça a dû jouer terriblement. C'est-à-dire, ouais. C'est une cause du chômage, c'est une cause de crainte du chômage qui va être un aiguillon pour les personnes à se dépasser. Et puis c'est aussi, économiquement parlant, une catastrophe. Oui, maintenant il y a... Mais il n'empêche que ce système-là qui a été mis en place aujourd'hui, il continue à générer les mêmes dégâts, on pourrait tout dire. Oui, et puis d'un autre côté, la jeune génération, alors je ne parle pas des enfants, je parle là de la génération 25-40, on va dire ça comme ça, ils prennent des emplois, et dans la médecine, c'est d'autant plus... pertinent, hein, je pense la remarque, c'est ils prennent des emplois à 30, 40, 50%. Et d'ailleurs, moi, j'avais un médecin qui m'a dit, le problème, c'est que les femmes, maintenant, elles sont médecins, OK, elles ont tous leurs diplômes, tout, mais elles ne travaillent plus qu'à 30%, 40%. Donc, il y a pas mal de cette génération qui a dit stop. C'est peut-être pas plus mal, mais alors, il y a le numéro clausus. Il y a un problème. On va revenir justement sur ce sujet. On va encore s'accorder une pause musicale, hein, si vous voulez bien. Alors, je ne sais pas qui l'a choisi, mais bon, voilà. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates? Avec leur costume de papier, j'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête, Andalousie. Je me souviens. Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Si, si, hombre, hombre, baila, baila, hay que bailar de nuevo y mataré los otros. Otras vidas y otros toros. Mataremos otros. Venga, venga, baila. Y mataré los otros. Merci. Eh bien, voilà, nous reprenons l'antenne. Oui, merci pour cette chanson que je trouvais adéquate par rapport à ce que la société propose actuellement. Voilà. Cabrel, La Corrida, on est vraiment dans une drôle de corrida. Oui. Tu voulais parler de... Oui, je voulais lire un petit passage d'un livre qui s'appelle « Géographie du politique » de Jacques Lévy, oui, concernant le management par le changement. Parce qu'il y a quelquefois un changement pour le changement qui est imposé aux gens, et qui est facteur de stress, hein, puisque quand ce changement est inutile. Donc, je lis. Hein. Voir l'usine. Le changement pour un individu, cela reste une question ouverte, en partie polluée par les injonctions à courte vue venant d'une partie du monde du travail et qui consiste à réduire la dynamique individuelle à une adaptabilité illimitée, pilotée de l'extérieur et sans avantage évident du point de vue de la personne concernée. Ce genre d'injonction s'accompagne d'une volonté de valorisation du changement pour lui-même, indépendamment de la valeur de la nature de ce changement. Le recours à des allégories darwiniennes glorifiant la nécessité de changer pour survivre complète le tableau de ces malentendus destinés à éviter les réticences et les résistances fondées sur l'argument que tout changement n'est pas utile à la société ou bénéfique à ceux qui le subissent. On contraint des gens à changer leur mode de travail alors que ça n'apporte rien ni à la société ni à l'individu. C'est le changement pour le changement et qui est un facteur de stress. Voilà. Surtout quand il est imposé par des gens qui ne connaissent pas l'art, qui ne connaissent pas le métier. Quoi, le changement n'est-il pas un produit économique? Voilà. Je pose la question. Voilà, c'est pour... C'est pour avoir une adaptabilité illimitée, contrainte. Voilà. Moi, je dirais que c'est pour rapporter, parce qu'un changement, ça rapporte quand même. Je voulais lire ce petit passage qui est... Et bon, surtout pour les gens qui se sentent dans ce symptôme, il faut surtout qu'ils n'aient pas honte. C'est une maladie qui a ses bases, je dirais, physiques, et qu'ils doivent se faire aider. C'est comme dans le harcèlement moral. Ouais. Ça finit aussi par du harcèlement moral. Le sentiment de culpabilité, alors là, voilà, c'est destructeur. C'est terriblement destructeur. Sentiment de dévalorisation, de culpabilité, voilà, d'incapacité à faire son travail, sur lequel, quelquefois, le management met le doigt un petit peu, pousse davantage un petit peu, alors que le sujet est déjà avec son corollaire, au fond du trou. L'évaluation. L'évaluation. Ce qui a inventé l'évaluation, c'était fait pour aussi tuer les individus. Ça a été fait surtout pour culpabiliser au maximum Ça a été fait pour trier les lentilles. Pour trier, bien sûr. On met les cailloux d'un côté, puis les autres de l'autre. Les cailloux, quand je veux dire, ceux qui sont trop réfractaires, on les met de côté et on prend les malléables. Enfin, je caricature un peu. Mais, oui. Il y a une époque, pour se débarrasser de quelqu'un dans une entreprise, on le mettait dans un placard. C'est tout à fait ça. On faisait plus rien. Il faisait plus rien. On ne lui donnait plus de travail. Ça existe encore actuellement. Oui. Un placard sans fenêtre, un bureau et pas de travail. Voilà. Oui, bah maintenant, c'est une évaluation mauvaise. Oui. Et puis, c'est bon, il est dans un placard. Oui. Mais maintenant, on a tendance quelquefois à lui, au contraire, lui donner une surcharge de travail. C'est l'inverse. Je dirais que où il n'est pas possible physiquement d'effectuer ce travail. Quoi. Mais je pense que quand même, je voulais juste rajouter ça, le syndrome d'épuisement, alors des ressources humaines, je suis un peu d'accord, de l'humain, on va en arriver là, de l'humain en tant qu'être humain, c'est quand même une maladie de société et c'est quand même, à mon avis, extrêmement grave, ce pourquoi on doit en parler. Bien sûr, oui. Et on doit vraiment pousser les gens, donc je les invite à l'association ralentirpourvivre.org, ils peuvent s'inscrire pour venir témoigner. Parce que je pense que c'est vraiment l'échange qui fera la différence et le nombre de personnes qui fera qu'à un moment donné, on pourra mettre ce sujet vraiment sur la table. Oui, parce que c'est un sujet qui ne doit pas être tabou, surtout concernant, sachant le nombre de personnes que cela concerne. 3 millions de grands dangers. De cas graves. Hein, de cas graves, oui. De cas graves, oui. Et chacun souffre en silence, n'ose rien dire, essaie de travailler davantage et s'enferme dans cette espèce de cercle vicieux qui aboutit à aggraver de plus en plus le stress. Augmenter le nombre. Oui. Et de ce nombre qui est déjà énorme. Et avec le retentissement que ça a sur la vie. Sur la vie. Oui. Sur la vie. Sur la vie sociale, familiale, amicale, etc. Donc il faut des thérapies, je dirais... prise en charge psychologique multiple. Hein. Il n'y a pas une seule manière psychologique de traiter le problème. Mais même ça peut être de l'hypnose, des stressantes, etc. Le MDR. Des choses. EMDR, ça marche bien aussi. Oui. Oui, oui. Il y a des thérapeutiques cognitives et comportementales. Et puis pourquoi pas, dans le cadre du repos et de se changer les idées, avoir une activité physique sportive. C'est ça. Hein, c'est ça. La nature, moi et je pense. Une alimentation saine et équilibrée, arrêter le café, hein, parce que ces gens-là sont souvent sous caféine, à très forte dose pour essayer de tenir le coup. Hein. Oui. Et puis arrêter les écrans aussi. Oui, des mesures hygiéno-diététiques et savoir couper le petit bouton du smartphone, de l'ordinateur, d'Internet. Et se reconnecter au rythme de la nature, qui est en fait... jumelé à notre rythme humain. Voilà, je crois que c'était la bonne conclusion. Hein. Oui. Bah, écoute, merci Catherine. Merci Michel, merci Jean. Alors, à mon avis, on va se donner des rendez-vous par la suite. Hein, il faudra avec grand plaisir. Ce sujet-là, il faudra l'aborder. Il faut quand même, je pense que si notre contribution, ne serait-ce que les gens puissent prendre conscience de cette situation actuelle qui s'aggrave. Oui. Je crois aujourd'hui qu'on a pleine confession. Hein. Je crois que le Covid a été un révélateur aussi de la façon dont notre société fonctionne psychologiquement. Oui. Et puis le Covid a été un mélange... je dirais infini entre la vie privée et la vie professionnelle. Oui. Vous avez travaillé à la maison. Voilà. Donc, les entreprises l'ont dit, il y a une meilleure performance au travail à domicile. Oui. Hein, parce que les gens ont travaillé davantage. Ils ont travaillé à toute heure, le soir, la nuit, etc. Et ils n'ont plus. Avant, il y avait il y avait des comptables, des secrétaires qui apportaient du boulot à la maison et il n'y a même plus besoin. Il arrivait directement à la maison de travailler. Savoir couper entre la vie professionnelle et l'autre vie. Oui, c'est ça. Et puis ne pas avoir honte et ne pas rester seul. C'est ça. Merci en tout cas beaucoup Jean par cette analyse qui est excellente. Voilà. Très bien. Eh ben, merci Catherine, merci Jean. On arrive malheureusement au bout de cette émission. On va se donner un rendez-vous pour plus tard parce que je crois que le sujet, il est inépuisable et il faut surtout maintenir la pression de notre côté, en tant que radio locale, en tant que média local, pour faire comme bien comprendre aux gens dans quel mécanisme on est rentré dans ce 21e siècle. Ça c'était déjà débuté avant, mais qui s'aggrave de plus en plus, quoi. Hein, et puis c'est une question écologique, finalement. Oui. La place de l'individu dans notre société. C'est l'écologie humaine. L'écologie humaine. Mm-hmm. Voilà. Eh ben, merci. Quant à moi, je souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous, bien sûr, mardi prochain pour une nouvelle émission de Parole est à vous, qui devrait être consacrée à un magazine conso. Si tout va bien. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.